phrases, c'est sacré coup de rein. You the boss queen, you the body. Et la maîtresse dit, c'est sacré coup de rein. You the boss queen, you the body. Pam pam pam, tous les flashs sont on. J'adore ta petite robe, phénoménale, monumentale. Ce que tu fais avec tes hanches, les explosions, tu déclenches tout dans l'eau, l'eau, l'eau, l'eau. C'est incroyable quand tu fais des slow motion. Tout dans l'eau, l'eau, l'eau, l'eau. Tu me rends si fan et je suis grave en admiration. Quoi pas mia, ce que tu fais là. Tu bouges bien que dans ma tête ça tient le carnage. T'es quand c'était sauvage sur terrain, y'a pas le cadenas. Toutes mes gars qui veulent te choper, mais c'est contre moi que t'es collée. Mais t'es scandaleuse. Et la maîtresse du jeu, sacré coup de rein. You the boss queen, you the body. Mais dis-moi qui te peut. Qui te peut, mama qui te peut. RIP à tous ces types. J'suis ton seul résultat quand tes rochers sont affinés. Pas ni besoin de palabrer. Vas-y viens on gère, on parle après. C'est toi et ton boule, les autres ils passent après. Passe après. Oh, papi, ce que tu fais là, tu bougeais bien que dans ma tête ça tient le carnage. T'es quand c'était sauvé sur terrain, y'a pas le cadenas. Plus douce que le logo du jersey, bien sur la mélo. Douce comme le logo du jersey, bien sur la mélo. Douce comme le logo du jersey, bien sur la mélo. Douce comme le logo du jersey, bien sur la mélo. Quand tu break off, I break off, I break off ton dos. Douce comme le logo du jersey, bien sur la mélo. Douce comme le logo du jersey, bien sur la mélo. Douce comme le logo du jersey, bien sur la mélo. Quand tu break off, I break off, I break off ton dos.